Voici enfin, pour terminer, le dernier des textes écrits par Victor Hugo contre la peine de mort, relevé dans Wikipédia. Nous nous rappellerons que la France occupe l'Algérie, dont les Aurès, depuis 1830. En mai 1879, une insurrection kabyle commande dans les Aurès. Elle est durement réprimée, sans que nul ne songe à contester cette répression. On ne sait à qui Hugo s'adresse dans cette demande en grâce. Peut-être à Albert Grévy, gouverneur général de l'Algérie, récemment élu sénateur inamovible en remplacement de Crémieux et qui faisait partie de la gauche sénatoriale. Paris, 27 juin 1880. Hugo a alors 78 ans, il mourra 2 ans plus tard. Mon honorable cher collègue, le conseil de guerre de Constantine vient de condamner à mort 13 prisonniers de la dernière révolte dans les montagnes de l'Aurès. Ces hommes étaient hier des combattants, ce sont aujourd'hui des vaincus. Il me paraît impossible que l'arrêt de mort soit exécuté. Vous saurez, je n'en doute pas, concilier la quantité de châtiments que mérite et exige l'insurrection avec la nécessité de respecter la vie humaine et de limiter la peine de mort, en attendant que la supprime. Je n'en dis pas davantage à un homme tel que vous, et je vous envoie mon cordial serrement de main et l'assurance de ma haute considération. Victor Hugo.